Vachonnet et Bruno Côté. Le 29 septembre prochain, pourquoi ne pas courir pour une bonne cause? La course de la Cité Limoilou vous invite à découvrir le parcours le plus urbain de Québec. Peu importe votre niveau, allez-y à votre rythme et choisissez votre parcours de 5 ou 10 km. Les enfants pourront aussi participer au 1 km. Concentré sur la 3e avenue, la course de la Cité résolument urbaine vous offre une ambiance familiale et du plaisir garanti. Réservez votre dimanche le 29 septembre de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacité.ca. Les bénéfices recueillis iront à des organismes communautaires. Courez pour aider. Une collaboration de SDC 3e avenue, Spectrum, Wix, Défi Entreprise, Brunet et CKRL. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. CKRL HD. Une radio haute décibel. Merci Bruno. Bonsoir, bienvenue à Terrain Incognita. Je suis avec Marc ce soir. Bonsoir Michel. Hey, bonsoir. Ça me rappelle le bon vieux temps, entre guillemets. Ben oui, on a commencé, débuté Terrain Incognita en 2004. Hey, ça va faire 10 ans. C'est notre 10e saison. Wow. Il va y avoir la 10e convention éventuellement. Terrain Incognita en plus en 2014. Oui, 2014, c'est vrai. Ben oui, hey, ça ne rajeunit pas. Plein de bonnes choses ce soir. J'ai apporté plein de bonnes choses. Et je vais vous parler un petit peu de la première pièce. C'est un extrait d'un... Ça s'appelle The Prague Collective. Billy Sherwood est en arrière de tout ça, le bonhomme qui est... Pour moi, il couche dans son studio, puis ça doit faire des années qu'il n'a pas pris de douche, là, mais... Et c'est son second projet sous ce nom-là. Et puis, ben, encore une fois, ben, il y a... une tonne d'invités. Des invités de marque, hein, ouais, des gros ouais. noms. Ben, je sais pas si c'est toi qui les as invités, là, mais... Mais écoute, je vais t'en nommer juste quelques-uns même là. John Wetton, Rick Wakeman, Steve Morse, Larry Fast, Peter Banks, Steve Village, pourquoi pas, hein. Wow. On va l'inviter, pourquoi pas, encore une fois, puis même t'as même Captain Kirk qui vient faire un petit peu de narration. Ouais. Oui, c'était... William Shatner. Il y a Mel Collins de King Crimson. Écoute, Derek Sherinian, nommé Patrick Moraz. Chris Squire. Puis là, ben, ce qu'on va écouter, c'est une pièce avec John Wetton. Et je dois dire que celui-ci... Moi, le premier m'avait laissé un peu comme sous mon appétit, mais celui-là est vraiment une coche au-dessus. Là. Des compositions originales? Oui. Ben, c'est Sherwood, je me demande où est-ce qu'il trouve le temps de faire tout ça. Dans Parce qu'il a participé à Days Between Stations. C'est ça. Et puis, il y a, entre ça, tu as des disques hommages, là. Il y en a plus. Donc, c'est ça. Là, je pense que il n'y a pas encore de pilule pour ça, là, mais il devrait se faire soigner, peut-être. Non, c'est sérieux. Là. C'est quand même... C'est vraiment... une coche au-dessus de l'autre. Là. Si vous avez plus ou moins apprécié le premier, celui-là, là, il y a des chances que vous l'aimiez. C'est qu'on écoute une première pièce, mais on a d'autres nouveautés. Là. On va voir Nick Turner, entre autres, et un jeune groupe californien qui s'appelle Ample Deed, que ça a été une très agréable surprise pour moi. C'est qu'on va en avoir après le Prague Collective. Donc, c'est Michel et Marc et Bruno ce soir. Et... price will we pay? skies to gray. What can be done?

Le comptoir du livre, la meilleure sélection de livres neufs et usagés en ville. Un choix d'articles unique au cœur de la plus ancienne bouquinerie de Québec. Faites circuler la culture. Soyez futé et écolo en vendant vos articles usagés. Obtenez le meilleur prix pour vos livres BD, DVD, vinyle et CD. Le comptoir du livre, la bouquinerie où l'on trouve de tout pour tous, au 726 rue Saint-Jean, 418-524-5910. Qu'est-ce que ça prend pour rendre nos enfants plus heureux? Comment faire pour qu'ils soient plus en santé, plus forts et plus confiants? Recommençons à jouer. Chez Participaction, nous croyons qu'il faut sortir les casques de vélo des boulamites et rejouer à la cachette. Donnons-leur 60 minutes par jour de l'activité physique qui nous gardait heureux et en santé quand nous étions jeunes. Recommençons à jouer. Participaction, on s'active. Vous aimeriez faire élaguer vos arbres avant que le gel s'installe? Optez pour un professionnel de la santé des arbres. Julien-Pierre Lafrance, arboriculteur et lagueur diplômé, vous offre d'élaguer, de fertiliser ou d'abattre vos arbres tout en vous débarrassant des résidus. Spécialisé en construction dans les arbres, Julien-Pierre Lafrance fait aussi l'installation de tyroliennes, de passerelles et de plateformes sécuritaires. Service conseil disponible. soindesarbres.com ou 418-455-1855. Voici Mikey G, en direct de la piscine municipale de Limoilou. Oui, c'est Mikey G, en direct de la piscine municipale de Limoilou. Et la piscine est présentement vide, alors on a besoin de vous pour la remplir de fun. Venez nous rejoindre. Vous désirez vous annoncer à CKRL dans un concept original et unique? Contactez notre service des ventes au 418-640-2575, poste 207. Hey, de retour avec Marc et Michel. Alors, c'était excellent. On a entendu un petit extrait. C'est juste un extrait, mais on va revenir. C'est Nick Turner. Les vieux tripeux vont se rappeler de Hawkwind. Et puis, le monsieur est encore actif. il a fait partie de Hawkwind à deux périodes. Je te dirais les années 70, qui pour moi sont les meilleures, sans préjugés. Et puis, plus tard, il est revenu dans les années 2000. Mais il travaille plutôt en solo là, depuis plusieurs années. Et puis, ça s'appelle Space Gypsy. Et puis, c'est du Hawkwind Grand Cru 1970. Là. Tout à fait. Hein, tout est là. Tout est là. On va en entendre d'autres extraits. Et puis, avant, on avait des genoux qui nous viennent de Californie, Ample Deed. En fait, il y en a un des musiciens de ce groupe que peut-être que moi, je connaissais parce qu'il a fait partie d'un groupe qui s'appelait The Source. Ils ont fait deux disques il y a peut-être 4 ou 5 ans, de mémoire, là, vite de même. Et puis, là, il est de retour. Là, c'est Aaron Goldish, je pense que je l'ai prononcé comme il faut, avec deux autres genoux. Tu regardes la photo, là, puis ils ont, ils ont 22, 23 ans. Ils sont peut-être même pas majeurs, là, mais mon Dieu, quel talent, quel potentiel, tout un disque. Donc, Ample Deed, c'est A is for Ample Deed, ça c'est le titre du disque. Disque. Et puis on avait amorcé avec le Prog Collective, avec le projet de Billy Sherwood, là, que bien des gens ont connu avec Yes. Puis moi, j'étais un petit peu sceptique au début, parce que le premier m'avait laissé comme, ouais, OK, c'est pas pire, mais c'est, celui-ci est encore... C'est l'album Épilogue. Oui, Épilogue, c'est leur deuxième. Et puis, encore une fois, ben une brochette d'artistes l'a invité. Ça ressemble un peu à quelque part, tu sais, les fameuses croisières qui s'organisent depuis quelques mois. Oui, oui, c'est ça. On retrouve toute la même gang. Ouais, donc, on part en croisière avec John Anderson. Et bon, c'est ça, c'est très atlantique. Flower King, pourquoi pas? On va inviter Spock's Beard aussi. Puis c'est... je pense que, ça, à quelque part, ça traduit un peu... On a besoin de noms pour vendre des billets. Là. Oui. Donc, on a probablement besoin de noms pour vendre des disques aussi. Et puis, ben ça, c'est... Même, c'est réussi. Contrairement au premier, qu'on sentait que c'était... Mais je pense que la force et les compos sont meilleurs aussi. Là. Ça aide. Mais on dirait qu'il y a une meilleure cohésion. Je ne sais pas si... Pourtant, je doute que tout le monde se soit ramassé en studio, là, dans le studio de Billy Sherwood. Là, je pense pas. Là, ça s'est fait par Internet. Là, mais en tout cas, la chimie est là. Ouais, oui. Tant mieux. Et puis, ben, on va continuer, nous, en musique, avec quelque chose qui m'a surpris. Ça s'appelle Chaos Out of Order Discipline, et le nom du groupe. Discipline, oui, ça. La discipline de Détroit, là, oui. Matthew Parmenter. Ben oui. J'ai appris, comme bien des gens, que le groupe avait sorti un enregistrement en 1988 qui a été diffusé comme très, très limité. Là. Puis ça fait 25 ans. Puis là, ça a été réédité. Ça a été réédité, remaster. Évidemment. Puis, bon. Oui. Mais je n'avais jamais... Écoute, puis pourtant, j'ai aussi que j'ai jasé avec Matthew Parmenter. Et il m'a jamais parlé de ça. Et puis, il m'arrive, Michel, j'ai quelque chose là, qui vient t'arriver. On va sortir. Là. Je dis, ah oui, un nouveau. Avec les deux, oui, un nouveau, mais. Mais c'est ancien. Mais c'est très ancien. C'est que ce serait les premiers enregistrements de discipline. Et, c'est le fun parce qu'il raconte toute l'histoire à l'intérieur. Là, et puis, c'est sûr que c'est pas la grande qualité, mais, là, oui, mais c'est un document. C'est un document. Donc, c'est ce qu'on a écouté. On a écouté une pièce de ça. Oui. Donc, discipline, chaos, out of order. outside of this. Driving in the rain, alone in a storm. Stand your ground in silent thought. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Lorsque l'été est terminé, qu'il emmène avec lui la lime framboise, tous les palmiers, tous les bananiers, ça signifie que l'automne est arrivé. Et avec lui, la bonne cuivrée au thé. Yeah! Arrête ça! Cuivrée au thé! Eh oui, c'est la Barberie. Ouais, disponible dès cet automne. Le Musée de la Civilisation a 25 ans. 25 ans à se rapprocher du monde. Pour célébrer, le musée a concocté une programmation culturelle riche sur une variété de thèmes comme le territoire et l'histoire du Québec. Prochainement, le concert « Sur la trace des filles du roi » le 22 septembre avec l'ensemble Terra Nova et le 29 septembre, la conférence de Denis Vaugeois, historien et ministre des Affaires culturelles au moment de la création du musée. Découvrez la saison du 25e anniversaire du Musée de la Civilisation au mcq.org et prenez part aux célébrations. Québec. Oh, de retour avec Michel, Marc et Bruno. Hey, c'était pas mal bon, hein, ça, ce qu'il vient de jouer. Là. C'était un deuxième extrait de Ampleded, le groupe de Californie. For Ampleded. Oui, c'est un premier essai, mais je pense qu'on va avoir des belles surprises s'ils peuvent tenir le coup. Là. Très réussi. Très réussi. Donc, Ampleded, et le disque, c'est A is for Ampleded. Et puis, ben. On va remonter tout juste avant. Nick Turner. Turner. Je vous l'avais dit. C'était une ambiance complètement différente de celle de. Ah, celle ben qu'on oui, parce show, que c'est un peu comme. Ben, très c'est, planant, c'est ce très que Hawkwind faisait à l'époque. Il faisait. Bon, t'avais comme des rocks binaires, là, assez garochés, avec plein d'effets d'oscillateurs, puis de. Bon, tu sais, psychédélique quand même. Exploration. Puis il y avait des pièces à saveur acoustique avec de la flûte, un peu. Puis Nick Turner, quand il joue du sax, il a un style qui est pas loin de celui de David Jackson. Wow. Ouais. Ouais. Donc, on va réentendre d'ici à la fin. Et puis, ça, ben. Ça, c'est un de mes coups de cœur cette année. Là. Not a good sign. De la pièce. Oui. En fait, c'est pas savoir. Là, on serait peut-être porté à penser que c'est un groupe scandinave plus que, qu'italien. Là. Ça sonne pas vraiment italien. Mais il y avait des sonorités à la King Crimson. Oh, dans ça, ben, puis... tu vois que. Bon, très bon. Il y a la bonne école. Not a good sign, c'est c'était le titre de la pièce. Et puis, on avait commencé avec Discipline, le Discipline Surprise. De 1988. L'autre, je pense qu'il était en 93, sauf ouais. Erreur, là, Push and Profit. Donc, il y a eu 5 ans que M. Parmenter a ajusté ses flûtes. C'est tout du matériel inédit sur ça. Là. Cette pièce-là est intéressante. Là. On sent l'âge, mais... Oui, oui. Mais on voit, on reconnaît le style de chant de Parmenter. Et puis, ben, c'est sûr, il y a quelques petites surprises sur le disque, là, dont une pièce quasiment rappée, mais ça, c'est peut-être, on n'appelle pas ça une surprise agréable, là, mais ça fait partie de l'histoire. Là, je pense, discipline. Ben, c'est drôle, j'ai commencé à lire les notes, là, que Sam Matthew, ben, c'est quelqu'un qui aime beaucoup écrire, ça fait qu'il raconte toute l'histoire, puis en détail, c'est juste, juste la lecture, c'est déjà comme quelque chose... Une épopée. Oui. Donc, c'est ça, Discipline, Chaos Out of Order, le véritable premier disque. Mais en fait, je pense qu'il était seulement paru en cassette à l'époque, en 88. Puis, en lisant les notes, on voit que même Matthew avait perdu le master à un moment donné. Oups, j'ai perdu mon master. Puis il a retrouvé comme il l'a retrouvé ailleurs. Mais en tout cas, une épopée pour un disque qui fête son 25e anniversaire cette année. C'est que là, on y va, nous, on retourne encore avec Prague Collective. Puis cette fois-ci, c'est, je vais vous dire qui est invité sur cette pièce qui a pour titre Just Another Day. On retrouve nul autre que Gary Green, d'ex Gentle Giant, qui est aussi avec Three Friends. Exact. Et au clavier, Tony Kaye de Yes, l'ancien, évidemment, le premier claviériste. Donc, et Billy Sherwood qui chante. Puis Billy Sherwood, en passant, ça, il m'a surpris. Son chant m'a vraiment surpris dans Day Between Station. Oui. Parce que on est habitué de l'entendre chanter un peu comme à la Yes. Oui. Mais là, il chantait vraiment de façon. Écoute, moi, quand j'écoute Day Between Station, In Extremis, je pense à Sean Guérin. OK. Il y a une voix là, assez près de celle de Sean Guérin. Puis moi, ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup. Je l'aimais plus qu'il est. Donc, c'est ça, il m'a vraiment surpris, Sherwood. C'est un bonhomme, je pense, qu'on va apprendre à découvrir. Oui, c'est ça. Pendant un certain temps, on n'entendait presque pas parler. Puis il y a plein de projets. Ça n'arrête pas. Il a été dans plein d'enregistrements. Et puis, intéressant. Je pense qu'on va commencer avec ça. Le temps de vous rappeler que vous êtes à l'écoute de Terra Incognita, c'est Michel, Marc et Bruno ce soir jusqu'à minuit. Bruno, je la regarde. Là. OK, il est prêt. Parfait. Time.

Alors donc... De retour. De retour, il y a eu un petit message d'intérêt public qui est un peu prématuré dans l'émission. Ben, on n'était pas tant même si éloigné. Non, justement, on a quelqu'un qui vient de nous appeler pour savoir ce qu'il vient de jouer. Là, c'était vraiment excellent. Crystal Palace. Une formation allemande, ils ne sont pas leur premier disque, mais c'est leur premier, je pense, sur l'étiquette Gentle Art of Music. Et qui est propriétaire de Gentle Art of Music? RPVL. RPWL, RPVL. RPVL, faut que tu prennes l'habitude. Je me suis assez fait dire par les gars, là, RPVL, parce que je disais RPW, mais ils me regardaient, non, RPVL. Je disais, OK, c'est correct, je vais l'avoir d'ici la fin de la semaine. Donc, c'est ça, c'est il y a même Kaylee, le guitariste, et Yogi Lang qui ont contribué à ce disque, qui, d'après moi, il n'y a pas de titre. Je veux dire, attends, je peux te passer la pochette. C'est un éponyme. Mais regarde, il y a quelque chose ici, là, mais... Oui, c'est une équation mathématique. Ouais, alors, serais-tu assez doué de pour... C'est ce qu'on va dire, c'est Crystal Palace. De leur, je pense que c'est leur quatrième, sauf erreur. Et puis, ben, avant, on avait le Pride Collective, dont on avait parlé, avec M. Gary Green de Gentle Giant comme invité, et Tony Kay. Et ben, on a déjà fait le tour. C'est vrai que la pièce de Crystal Palace... Et d'ailleurs, en passant, j'en remets une autre de Crystal Palace d'ici la fin de l'émission. Et on va avoir des messages d'intérêt public, puis après ça, de l'italien. Hein? Attends un peu, là, Bruno, il nous fait signe de quoi, là? Peace? Non, peace, je te comprends pas, Bruno. Parle-moi des écouteurs. Ah oui, OK. Bon. Donc, ça a l'air que c'est pas le temps encore. On va continuer, on va parler de ce qui s'en vient, la Coscienza di Zeno. Oui, hein? Oui. Il y a des pas mal bonnes pièces sur ça. Sensitiva. Et puis après ça, ben ça, moi, je suis en train de te présenter la dernière demi-heure. Sensitivita. Ben oui, qu'annonce ça. Hein? Michel. Aïe. Italiano, Michel. J'ai été trop vite. il va y avoir un petit spécial pour introduire l'autoroute. J'ai amené quelques disques psychédéliques planants. Non, c'est un mélange. Ça va être un mélange pour de Hawkwind, de Nick Turner. On va finir ça un peu dans... C'est ça. Pour faire une transition avec l'autoroute. Ben oui, on va introduire... Il va y avoir un nouveau thème ce soir, d'ailleurs, à l'autoroute. Mais on y va donc avec une petite pause publicitaire. Et puis, ben, on va revenir en musique avec la Coscienza di Zeno et ses Sensitivita. Tout ça sur les ondes. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou, lebaldulezard.com. Il paraît que CKRL, c'était une radio-école. J'ai bien dû la doubler une couple de fois, je suis encore là. Allô, ici Denis Barry, vous êtes encore en vie et c'est merveilleux. Bon, la machine ne veut pas encore faire partir les publicités. Ben, je vais vous les faire à la main, tiens. Je vous invite à écouter l'opinion du chef tous les jeudis soirs de 20h à 22h à CKRL, la radio qui aimait et qui aime toujours. Le jeudi soir à 20h. C'est-tu correct? Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi! We'll be right back.

the reason in rhyme. Cut the lines in my face as you run without a trace. We'll be right back. wishes of you now your only dreamer. Color change instead of right. Screaming souls in the night. Wishes of you now your only dreamer. Chaos all in my mind. Wanna live with my kind. Wishes of you now your only dreamer. We'll be right back. Je vous avais promis un coup d'œil dans le rétroviseur et c'est exactement ce qu'on a eu. Ça, c'est une petite rareté. Captain Lockheed and the Starfighters avec Robert Calvert. Ben, c'était un concept de Robert Calvert qui était un des complices du groupe Aquin. Et puis, on retrouve plein de gens sur ça. Il y a Brian Eno, Arthur Brown, que vous venez d'entendre, avec cette magnifique voix si typique. Arthur Brown, c'est... Donc, je m'ennuie, parce qu'il fait pas beaucoup de disques, le monsieur. Hey, voici Marc qui vient se joindre à nous. Et puis, ben, c'est ça, je suis en train de parler d'Arthur Brown, qui, moi, en tout cas, à mon avis, a marqué les années 70, mais qui est comme disparu après. On a pu, c'est vrai qu'il a fait des disques vraiment moches aussi. Ça, ça aide pas. Mais, tu sais, Kingdom Come, le Galactic Zoo Dossier, ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est un must. Ah oui, un chef-d'œuvre de prog sauté, entre guillemets. Là, mais, oui. Puis moi, j'adore la voix de ce bonhomme-là. Là. Vraiment, c'est il n'y a plus personne qui s'en sert de cette voix-là. Puis, il devrait être réinvité quelque part. Là, des semble... voix psychédéliques. Ben, il y a une belle voix. C'est sûr que avec tout ce qui se passe là, de projet, là, je peux pas croire qu'il y a personne. Il y a même Klaus Schulze l'a invité à un moment donné. Ah oui? Oui. Ah oui. Ça fait que. Ouais. On sait pas. Hein. Puis ça va peut-être, il va peut-être revenir. Moi, je trouve que c'est dommage que ce monsieur-là n'apparaisse plus sur disparu, des. Ouais, ouais. Et puis, ben avant, ben, on avait Aquin. On est encore dans les années 70. Là. La suite dans les idées. Ouais, ben ça, c'est un de mes préférés, là. In Search of Space, avec l'autre, Dorémy Fasol Latido. Ça, c'est. Ben, dans les années 70, c'est pas mal pour moi les deux là, qu'on retient. Puis après ça, ben, un peu plus tard, vers la fin des années 70, il y a eu comme un remaniement. Ils ont recruté le Simon House au violon. Et ils ont fait deux très, très bons disques aussi. Donc. Puis en Queen, ben, ils n'ont jamais arrêté. Ça, il y a plusieurs périodes, puis il y a de quoi s'amuser pour longtemps, à découvrir. Donc, ça, c'est les pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui le space rock. Le space rock. Ouais, c'est eux autres. Et puis, ben, Nick Turner, tout juste avant, du pur en Queen, enregistré aujourd'hui. qui sonnait un peu la gang. Oui, avec des bois un peu à la gang. Ouais. D'ailleurs, comme invité sur ce disque-là, il y a Steve Village. Donc. Et puis aussi Simon House, dont je viens de parler, le violoniste. Et le disque de Nick Turner, c'est Space Gypsy. Ben, ça, j'en ai parlé d'Aquin. Oui. OK. Donc, écoute, après ça, on remonte Crystal Palace, deuxième pièce pour ce groupe allemand. Et on avait commencé avec la Coscienza di Zeno. Je vais te laisser dire le titre. Oui. La Sensitivita. Bah, parfait. Ben, écoutez, c'est déjà tout. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. C'était Bruno, Michel et Marc, Terra Incognita.